Exercice 10, page 117. Ah. Moi, je le coiffe. Transformer. Pourquoi tu le coiffes? B. Moi, je le vois. Transformer. Pourquoi tu le vois? C. Moi, je le crois. Transformer. Pourquoi tu le crois? D. Moi, je le vouvoie. Transformer. Pourquoi tu le vouvoies? E. Moi, je le tutoie. Transformer. Pourquoi tu le tutoies? F. Moi, je le rejoins. Transformer. Pourquoi tu le rejoins ?